Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 17 au 23 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Léhu! Je cherchais la réponse à ta question feuille. C'était quoi mon nom? Ah oui! J'ai regardé sur ma feuille, j'ai-tu écrit quelque part? Ben non. Je lui envoie un questionnaire à chaque semaine. Je lui demande les questions de base, vraiment pour être au courant de ce qu'on fait dans l'émission. Par exemple, sais-tu quelle chronique s'en vient dans l'émission, tu sais? C'est un test à chaque fois. Oh oui, c'est un test surtout dans quelle heure on les met. C'est ça. Par exemple, tu me répondrais peut-être que Palmarès in Peace est en première heure. Peut-être. Ouais. En deuxième heure, on a un instant classique ainsi que C'était fou. Ça, c'est le piège, hein? C'est le piège. Je pense que là, on est d'accord. Je pense que là, on est seté, là. Oui, ça a juste pris 4 mois et demi, mais on est rendu pas pire. Minimum. Minimum. Et dans la troisième heure, ailleurs, dans les Palmarès. Avec notre fameux hit. Hit, notre belle petite chanson thème. Donc, on va faire toutes ces chroniques-là, ces merveilleuses chroniques-là d'ici la fin de l'émission. On a aussi une petite chronique spéciale sur les Jeux paralympiques de Sochi. Pour ceux qui n'ont pas suivi notre couverture paralympique, tout au long du mois de février, ben vous allez en entendre parler tantôt. Yeah! On va aussi savoir d'ici la fin de l'émission si nos numéros 1 sont toujours du côté anglophone. Haim et The Wire. Et du côté francophone, est-ce que c'est toujours David et les bois et sa pièce scaphandre? Encore une fois, une autre question piège. C'est difficile de savoir. Hein? Ben, il suffit de faire le www.cfou.ca et d'espérer qu'il soit en ligne. Sinon, ce sera bien. Sinon, vous allez être obligés de nous écouter. Ben, c'est ça. Jusqu'à la fin, il nous reste seulement 3 heures. Dommage. Eh oui, c'est un calvaire qu'on doit tous souffrir ensemble. Suffrisons notre calvaire. Suffragette. Voilà. Les femmes ont le droit de vote à ces émissions, même s'il n'y a pas vraiment de vote parce que c'est pas un sondage. Donc, c'est ce qui va se passer d'ici la fin de l'émission. On va commencer avec de nouvelles entrées, entre autres Mange, Ours, Mange, Claude Pelgag, Snowman to Love, The Royal We. Mais on débute en 20e place francophone. Et c'est Talang Sale dont on a créé un monstre. Au Palmarès, c'est fou, 89 FM. La Talang. Silence, la tempête insoutenable. nouvelle entrée. C'était Snow Mantle Love et All in the Name of Good Dancing sur l'album Conversations. C'est la position numéro 20, nouvelle entrée du côté anglophone. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était Talanxad, On a créé un monstre. Tout à fait. Voilà pour les 20e places. Il nous en reste encore quelques-unes des nouvelles entrées. On va l'entendre les positions 19 et 18 ensemble, sauf qu'on saute Sebastian Granger en 18e anglo parce qu'il n'est pas nouveau et là depuis 9 semaines. Quand même, 9 semaines! C'est bon! On va taper le 10 bientôt. Tu sais? Peut-être pas. Peut-être pas, on ne sait pas, en fait, on n'est pas vraiment des devins. Donc, plus tard dans le bloc, Mange l'ours mange et The Royal Oui. Mais bien entendu, on commence en 19e francophone, c'est comme des rames de Claude Pelgag. J'ai croqué ta pomme d'Adam. Et depuis, je n'ai jamais eu faim de corridor autre que ton corps. Ton corps est sain de fleurs en glorieux. J'ai pris ton bateau en papier. Je n'avais jamais vu la mer avant, en botte d'eau ou même en souliers. Je n'avais jamais vu la mort avant. J'ai inventé une île à colorier. Mais je n'ai rien pour tailler nos crayons, comme des rames qui auraient trop ramé. Nos couleurs ont fini par s'estomper. C'est l'aviron, j'ai cassé sur ta tête, j'ai cassé sur ta tête, j'ai cassé sur ta. Cassé l'aviron, j'ai cassé sur ta tête, j'ai cassé sur ta tête, j'ai cassé sur ta. J'ai construit un radeau, pas plus grand que nous deux. On pourrait réinventer nos couleurs et notre épave. Serait un pavé, on s'assoirait dessus pour exister. J'ai reçu un coup de téléphone. C'était un appel outre-mer. Un coup de toi, c'est un coup de la terre. Je l'ai reçu en plein. Que j'en ai avalé, mais tu sais le rhume que tu m'avais donné. Je l'ai perdu quand tu t'es noyé. J'ai laissé ton nom, ton visage, ta douceur au plus haut des mains de mon cœur. Nouvelle entrée. L'AGE UQTR est fier de s'associer à cette présentation des palmarès CIFU. Hey, Mange l'ours mange et Brody Days, position numéro 18 francophone, deuxième extrait de l'album Loin de l'œil. Du côté anglophone, on a sauté par-dessus Going With You de Sébastien Granger. Avançant, 19e anglophone de Royal We et Siren Song, nouvelle entrée. Et on a débuté le bloc avec Comme des rames de Claude Pelgag. C'est tout pour les nouvelles entrées. Je dirais que ma préférée là-dedans, c'est probablement On a créé un monstre. Ah ben oui. T'as bon, ça. T'as bon. Ouais. Mais étant donné qu'on a accueilli 5 nouvelles entrées, ça veut dire qu'il faut dire au revoir à 5 autres. Oh, c'est pas my rest in peace. Just now, tens of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Dans les champs magnétiques où nous aimons gravité. Des pièces qui ont quitté les palmarès Cifou depuis l'édition du 10 au 16 février 2014. On a donc dit au revoir à Claude Pelgag et sa pièce Rayon X qui est restée 8 semaines, mais elle est déjà de retour sur le palmarès avec sa nouvelle pièce Comme des rames. Mm-hmm. Ensuite, Mordicus. Non, excuse-moi, c'est vrai, j'ai pas changé sur le site. Finalement, ça, on n'a pas dit au revoir à Mordicus du tout. C'est juste moi qui s'est trompé. Okay. Ensuite, on a créé un monstre avec Le corps est lourd, 9 semaines. Ensuite, Trent Muller et Gravity qui est resté 5 semaines. Et finalement, Cow Puncher avec Bridesmaids. Et il y en a une autre là-dedans dans le paquet. C'était Jimmy Hunt. Jimmy Hunt, voilà. Dont j'ai oublié le titre, malheureusement. Rêver. Rêver mieux? Rêver de temps. Rêver. Rêver. À contre-cours. Oh, wow! Oh. Je sais pas. Ça vient de gâcher notre bloc Palmer Rest in Peace, mais que voulez-vous? On fait ça toutes les semaines quand on dit au revoir à des pièces et puis ça a changé en cours de route de semaine. Ouais, puis d'habitude, on sait à qui on dit au revoir. C'est ça, d'habitude. Pour l'instant, on continue avec les 17e places du côté anglophone de Darcy's avec Muzzle Blast qui descend de deux places. Mais tout d'abord, du côté francophone, on va l'entendre Cœur de ciment de Mardi Noir. Vous êtes au Palmarès, c'est fou, l'émission qui sait pas trop comment que les choses se passent. Quoi? Qui parle? Pas, hein? Qui parle? Pardon? On me dit non, je pense que c'est un intrus dans le studio. Tasse-toi, c'est notre émission. Là. Oh, t'as un Amérindien, check. Un Amérindien. Avec un gun, c'est bien, hein, ça? C'est sur une affiche dans le studio, c'est... Wow, OK. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Darcy's et Muzzle Blast descendent de deux places en 17e position anglophone. Et du côté francophone, c'était Mardi Noir et Cœur de Ciment qui est là pour une 5e semaine. Maintenant, on saute par-dessus un paquet de choses. On commence par les 16e qu'on n'entendra pas. Set the Whale en anglo avec Willows qui descend de la 5e place. Alors que du côté francophone, on saute par-dessus Dédompter ton chien de Rouge Pompier. On saute aussi par-dessus la 15e franco Montréal Carnivore et Ton cheval est mort. Alors plus tard dans le bloc, on entendra Massicotte et About, mais on commence en 15e anglo. En 15e anglo, ici Carnival de Marc Brubé. Ben oui, Carnival, toi, Carnival comme un Super Carnival. La pizzerie. OK. Super C, ils disent plus ce que ça veut dire C, ça pourrait vouloir dire n'importe quoi. Ils disaient-tu avant? Avant, c'était Super Carnaval, là, ouais. OK, mais on n'avait pas ça dans mon coin. OK, je pensais, j'étais sûr que t'allais commencer. Non, pas dans mon temps. Dans mon temps. Dans mon coin. T'es bien mieux. Je surveille. C'est pas marrant, c'est fou, traite-moi pas de vieux. Ouais. Wrote a small time song for my neighborhood choir, for my kid at home, my band for hire. Find a cancer rope in a bank of songs. I'm on the butter. Find some chicken wire, a plastic bag, a clothesline full of golden rice. Find some graffiti, I'm a China place. Got a happy hammer for the refined taste. Another school year's clean. The basement full of all the dandelions. The kiss couples find some entitlement. Some hipsters write a conversation for my vanity page. Another typewriter's dead, but not the church bell song. I see our future lit in the lights of Hong Kong. By my Christmas faith, the angels shine on the lips of the few in the shadows of the coming of the lights on the cheeks of your face. Promises on the base of your teeth. Coming of the lights on the cheeks of your face. Will you take what you will receive? Les palmarès C'est fou vous sont présentés en collaboration avec l'AGE UQTR. Oh bébé, bébé, j'appelle fort pour toi. À tes mains pour me flatter. J'ai 14. La pièce Built It de Hubbard qui descend de 3 places en 14e position anglophone. Et en 14e francophone, c'était Chérie Je Jappe de Massicotte. Oh oui! Avant ça, on a entendu Mark Berube et Carnival qui montent de 3 places. Et on n'a pas entendu la 15e francophone. On a sauté par-dessus. C'était Ton cheval est mort de Montréal Carnivore. C'est comme quand tu sautes par-dessus un cheval parce qu'il est mort. Hein? C'est comme ça. Ça arrive tout le temps? Ça arrive fréquemment. Chaque matin, quand je me lève, j'enjambe un cheval mort dans ma chambre. C'est comme ça que tu appelles ton copain parce que c'est un étalon que tu veux, c'est le même. OK. Ouais, puis après une nuit avec moi, c'est sûr qu'il est mort. Position numéro 13. Du côté anglophone, ça descend de 10. C'est A Life Like This par Ballader. Et ça monte de 3 du côté francophone. C'est Metropolis de Mono Grenade qui est en spectacle ce soir à la Chasse-Galerie dans le cadre des soirées cachées. C'est fou. Ben oui, si vous écoutez le jeudi, là, ben ce soir, là, 22h, gratuit. Chasse-Galerie. Je dirais même plus, gratis. Gratos. Gratinos, avec ben du fromage. Oh. jazz. Et A Life Like This descend de 10 places, 13e position anglophone. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était Métropolis de Monogrenade qui est là pour sa deuxième semaine. Est-ce qu'on rappelle que le spectacle de ce soir est à 22h et c'est à la Chasse-Galerie? C'est gratos, gratis et gratiné. Gratiné, ah, Colin, tu sais parler, toi, aux hommes, là. Hein, quand même. Hein? Et aux femmes qui aiment le fromage. Tout ce qui est fromager, c'est pas nécessairement masculin, ça. Non, c'est pas nécessairement masculin, sauf que d'habitude, quand je fais à manger, c'est pour attirer un homme. Ouais, c'est parce ça. Parce que moi, on m'a toujours dit, les hommes, tu vas les chercher par l'estomac. Et la plupart des choses qu'on fait gratiner sont féminines quand même, donc une soupe gratinée, mettons, tu peux avoir... Une pâte. Une pâte gratinée, oui. Une patate pâte. Gratinée, peut-être. Ouais, une poutine. Oui. Mm-hmm. Une pizza gratinée. Mm-hmm. Ben oui, mm-hmm. C'est vrai, c'est très féminin. Une lasagne. Lasagne gratinée, bon. À part pain gratiné, pas mal tout féminin. Ouais, ça pourrait être une baguette de pain. Ah ah oh! Une tranche de pain. Une mie de pain, tout est... Oui, c'est vrai. Une croûte de pain. Une croûte de pain. On va sauter par-dessus les positions numéro 12, tiens, du côté anglophone. June in the Fields et Back in the Country qui est stable. Et on saute par-dessus chemin en... En Graville de Simon Kearney. Ouais. Ça a monté de 1. Alors, on va entendre les 11e places. Du côté anglo, c'est Dear Criminals et Lover Suicide qui descendent de la 7e. Et c'est une nouvelle entrée de la semaine dernière. C'est Jour de malentendre de Virgo. Au palmarès, c'est fou sur les 89.1 FM, la radio gratinée. Abroille. Abroille tout le temps. Un jour où de plus en plus de monde demande de malentendre. Mon char répare avant que tout s'effondre. Essaye de ne pas oublier. Tendance et passe et passe avec des choses à régler. Et puis de ne pas renoncer. De couler à tout cœur en manque avec des choses à payer. Aujourd'hui j'ai voulu montrer les forces que tout le monde aime m'entend. Pour but de monter loin du bord du port à tout et tout d'un trou noir. Et puis de recommencer. D'être refusé ma

Chipucci, ok, je vais être sûr. Oui. Chipucci. Oui, oui, oui. Chipucci. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est quoi dans tes oreilles? C'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 17 au 23 février 2014. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Et c'est la portion top 10. Que oui. Ah ouais, un 1 puis un 0. C'est comme number 1 si tu fais 1 plus 0. Oui, mais 1 fois 0, ça fait 0. Ah, bon, donc prenez ça du bord que ça vous tente. Dixième position du côté anglophone, c'est Mode Moderne et She Untamed qui est stable. Et du côté francophone, ça monte de 9. C'est Squelette de bois de Jacques Maure. Ah, un petit squelette de bois. Uh-huh. Est-ce que tu penses qu'il gosse? Qui gosse? Parce que c'est fait en bois, tu gosses du bois. Ah, peut-être. Penses-tu que c'est un squelette de pirate? La jambe de bois, dans le fond, c'est juste une jambe pas de peau. Après cœur de pirate, squelette de pirate. J'aime ça. Ben, putain. Ça n'est pas mal assez. Grosse décision d'enregistrer sa chanson dans une salle de bain quand même, je trouve. On va entendre Mode Moderne et She Untamed. J'aime bien, c'est stable en 10e place. Pourtant, tout le monde chante sous la douche. C'est ça. Du côté francophone, c'est des squelettes de bois de Jacques Maure. Il me semble le micro dans la douche, c'est pas un choc, mais bon. Mais ça doit être écrit sur les micros comme les séchoirs, de pas aller en dessous de l'eau avec ça. Genre. N'amenez pas votre radio dans la salle de bain, dans la douche non plus, s'il vous plaît. T'sais, on est peut-être ben choquant des fois ou ben électrisant, là, mais on veut pas causer de mort. Mais non. 9e place anglophone, c'est The Pack 80 et Big Shot qui descendent de 5 places. Et du côté francophone, ça monte de 9, c'est Titanic de Canaille. Ouh! Oui, doudou! Oh, je suis doux! C'est Canaille. C'est comme une petite canaille, c'est pas un animal, ça? Il me semble que non. Non. Une caille, peut-être. C'est ça. Je vais pas aller plus aigu encore. Non. On est petit, on se perd dans le bois. On a fini sa montagne sous la croix. On y a cru, mais c'était pas ça. On veut un vrai lac la prochaine fois. On n'a pas de char pour y aller. Puis nos bus, c'est le camp. Tout volé, on est ensemble, on va marcher. Puis si t'as plus souliers, on ira du pied. N'est pas du monde de main, n'est pas du monde. N'est pas du monde de main, n'est pas du monde. Quand le montra, mon maïsir, on sera l'orchestre du Titanic. Thank you. C'était le Pack 80 et Big Shot qui descend de 5 places. Oui, c'est ça. En position numéro 9. Caroline, que je dis n'importe quoi. Position numéro 9 anglophone. C'est bien ça. Mais voyons. Et du côté francophone, c'est une nouvelle entrée de la semaine dernière. C'était Titanic de Canaille. Tu dis pas. Ah, j'ai vérifié ce que c'était une canaille, cher. Et c'est l'accouplement entre un canard et une caille. Non, ça aurait pu. Ça, aurait été, ça a l'air vrai, dis-moi. Non, c'est vulgaire. Polisson. Crude, bandit brigand, commun, coquin, crapule, fripon, fripouille, gredin, malandrin, misérable. Ben oui, je t'ai tout dit ça. C'est ça. C'est le, donc, l'accouplement entre un canard et une caille. Eh, c'est ça. C'est très proche, finalement. Ça doit être bon. Maintenant, tiens, ça doit être bon comme des bons moments dans Assemblage requis, émission du matin. Ça devrait, comme dans. Ça serait le fun que ça soit. Pour une bon. Fois, c'est ça, pour une fois. voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'Assemblage requis de la semaine du 17 février 2014. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 17 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Pas si fort que ça, j'ai mal à la tête. Moi, c'est Jean-Philippe. Non, j'ai mal à... Non. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. OK, bonjour. C'est l'émission 666 Super Rock Heavy Metal. Là, oui, c'est vrai. Fait qu'il faut être rock. Faut animer de la corde. si tu veux, on rajoutera un peu de satin. Satin? Satin, oui. 666. Oui, c'est de là qu'on s'attend pas à ça. Non! Merci. Jésus. Ça va entendre un Limp Bizkit Ready to Go. Oh, ça va être rock, ça? Moi. Yes. C'est la version sans Lil Wayne, en plus. Il y a avec ou ça. Pas senti Little Wayne. Wayne. Un Wayne complet. On est tight. Oui. Sans cesse tight. Ça marche les fesses serrées tout le temps. J'en peux plus d'être tight, Mathieu. Ça fait mal. Ça fait mal. Comme dirait Charles Tissard, qui lui aussi a les fesses serrées parce que tu serres. Ça te serre les fesses. Mais lui, il n'y a pas de problème avec faire pousser ses tomates parce qu'il fait pousser ça dans une petite serre. Dans une petite serre. Une petite serre. Ah, pilé. Puis bonjour. Hey, ma petite serre, viens m'aider. Ça te serre. Ben après ça, tu sais, on pourrait avoir une émission genre Mathieu, genre. Mathieu. Ah, Mathieu au corps. Mathieu, ah. C'est comme Peter, mais. Lui, il me vole mes jokes. Ouais, je vole les jokes faciles que moi, tout le monde pourrait avoir. Ah, j'en peux plus. C'est des M&M, genre. Ah. Il y avait vraiment une trademark avec ça. J'ai plus là-dedans, il marche pas contre. Non, je serai la noix à l'intérieur. Tu seras la noix. Ah. Oh, non, c'est trop facile. Ah, ta blague, c'était-tu genre qui sont tellement petites qu'ils rentrent dans un M&M? C'est noix. La JP, c'est ça l'air. C'est ça l'air. Je voulais être sûr de l'avoir. Là, je vous ai rapporté deux Ferrero Rocher. Les poissons de sushi, là, les Yakuza. Yakuza de réception.

Statue Park 1983 sur leur album The Cities We Planned, The Cities We Made. C'est la position stable 8. Et ce côté francophone, c'était encore une nouvelle entrée de la semaine dernière. C'était 3 jours en hiver d'Auguste. It was. That's true. True. True. True. C'était fou. Ça revient. Tu sais, tranquillement, pas vite. Il marche. Il arrive. T'as envie d'arriver. Toc, toc, toc à la porte. Qui est là? C'était fou qui? Ben, c'était fou. Pas mal de ça, là. C'était fou 89 fois, oui, c'est pas pire, c'était fou. Ouais, c'était fou 89 fois, j'aime ça. On va retourner en 2002 dans quelques instants. Mais avant ça, on y va avec les 7e places. En anglophone, Yamantaka Sonic Titan avec Whale Song qui monte de 2. Et ça monte d'un du côté francophone, c'est Bonjour Tristesse de Grenadine. Au palmarès, c'est fou. 89 ans. Toc toc. C'est le nom de famille. Non, c'est l'inverse. Okay. Toc toc. Je ne suis pas de celles qui reviennent. Je ne suis pas issue d'un de tes mirages. J'y ai appris, je regrette. Mais moi, quand je reste, j'y pense à deux fois. Car on peut se défaire et s'enfuir. Du bout des doigts. Parfois la main. On va entendre Well Song, Barry Manteca, Sonic Titan, ça monte de deux places en septième anglophone. Et tout juste avant, du côté francophone, on a entendu Grenadine et sa pièce Bonjour Tristesse. Et c'est ce qui nous amène à C'était fou. Et cette fois-ci, on retourne à la semaine du 15 février 2002. Cinq personnes choisies d'un chapeau pour l'expérience du futur. Créer de la conscience pour produire et produire mon image. Au réel et déposé là-haut en ne suivant aucun lien direct de chaque pour échec et revenir sans savoir leur futur inconscient le mérite d'un cadeau que ce sang peut. Survive. Que c'était fou de cette semaine du 15 au 21 février 2002. On a entendu en début de bloc Illy Morgan et 2010 sur l'album Monsieur Larue. Ensuite, vous avez reconnu Rob Zombie, je pense, hein? Ben oui, je l'adore, moi, et Rob Zombie. C'est bon, Rob Zombie et Feel So Numb sur l'album The Sinister Urge. Et on a terminé avec Eldritch et ma sélection de la semaine, pièce bonus, donc My Sharona sur l'album Reverse. Évidemment, j'ai choisi cette pièce-là parce que je connais absolument rien du reste du palmarès parce que c'est en 2002, c'est avant moi. Donc je comprends rien. Non, c'est avant moi. Avant toi? Ben avant moi. Ça se peut? Ça existe, il y a un avant Mathieu Plante. C'est comme ça qu'on appelle ça, c'est fou d'ailleurs. La discothèque est classée en ordre de avant Mathieu Plante et après Mathieu Plante. Eh bien, que voulez-vous? Mon Dieu, hey, lâche-toi le nombril. C'est tellement faux! Ailleurs, dans ce qu'il y avait cette semaine-là, Sonic Youth, entre autres, était là, le nombre. Il n'y a vraiment pas grand-chose que je connais. Linkin Park, System of a Down, Bad Religion, Nine Inch Nails, il y a pas mal d'affaires que je connais finalement. C'est à peu près ça, donc voilà. Allez voir le palmarès complet sur assemblagerequis.com. C'était les palmarès de la semaine du 15 au 21 février 2002. Ça a quand même beaucoup changé, les palmarès, depuis. Le son était très, très rock à l'époque. Très, très rock. Donc voilà, c'était fou. On fait ça chaque semaine dans les palmarès, c'est fou. Maintenant, ben, on termine cette deuxième heure. On saute par-dessus les sixièmes places, bien sûr. Donc en anglophone, on a entendu Royal Canoe et leur nouvelle entrée de la semaine passée, Hold On to the Metal. Et ce côté francophone, on saute par-dessus le Roi Soleil de Mordicus, qui est stable. On va évidemment les mettre en priorité, les pièces les plus jeunes, donc on risque de réentendre ça d'ici la fin de l'émission. Mais pour l'instant, on termine cette heure particulière des palmarès, c'est fou. On se retourne de bord pour après ça se remettre du bon bord. Ben oui, parce que parler dans le micro de dos, c'est pas évident. C'est ça. Mais bon, yeah, tu me diras pas comment animer, hein? Si je vais animer de côté, comme. Si je vous anime de côté de même, c'est pas super. C'est pas super? Ben, ça va juste être bizarre, une demi-conversation. Ça, on n'entendra pas grand-chose. Il va falloir que j'adapte ma conversation comme si j'étais dans un film. genre Watatata dans les vieilles années 90. Ou ouais. Comme, ah oh, oui, alors tu vas faire ça. C'était oui, super, pas naturel. Répète la phrase. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est nul. Je vais faire ça. J'ai hâte d'entendre ça dans la troisième heure. On revient tout de suite. Vous êtes dans la zone 89.1. Fou dans tes oreilles. Fait que là, c'est ça, mais t'es en train de me dire finalement que c'est ça, on a devoir à remettre pour demain, c'est ça. C'est ça que t'es en train de me dire. Ok, ouais, c'est ça, c'est cool. Ouais, t'as bien raison, c'est exactement ça, c'est demain avec tel, tu sais, dans tel cours, là, ça. Ça marche non, pas pantoute, moi. Je sais pas, je suis pas un bon acteur, hein, vraiment pas, hein. Mais non, mais eux autres non plus, t'es pas bon acteur, fait que je sais pas où le problème. Puis dans le fond, je suis parfait pour jouer dans la Watatata. Ouais, mais il y a comme plusieurs années, mmh. Genre 20 ans. Mmh. Watatata! Toujours au Pavarassi Fou, c'est la portion top 5 pour la semaine du 17 au 23 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. C'est pas moi, Mathieu Plante? Non. Fait que moi, je suis qui? T'es Jean-Philippe Charbonneau, je pense. Ah, OK. Ou sinon, attends un peu... Donc bonjour, moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Ah, wow! Caroline, t'es rendu sec, c'est pas mal. Je me suis rasé. C'est ça, c'est rasé, ouais. À ben des places. À ben des places, parce qu'en tout cas, à ce que je vois de ton haut de corps, là. De chest. De chest. Je sais pas, je l'imagine poilu, Jean-Philippe. Tu sais, j'imagine les gens, des fois. T'sais. Non, mais pour vrai, je serais vraiment surprise à un moment donné qu'il arrive en chest puis que ça s'aille bien, bien lisse. Oui, parce que la face, puis les poils de cheveux, puis le tour de face. Pis... Il aurait l'air de ton chat, avec sa coupe lion. Ah non! Ouais. Là, ça rend quasiment Jean-Philippe à ta chat. C'est ça. Il faudrait qu'on y enlève un œil à Jean-Philippe pour qu'il soit pareil comme mon chat, parce que mon chat a juste un œil. Est-ce qu'on peut faire ça si tu fais ça? Je pense que Jean-Philippe, chaque fois qu'il va te voir, il va se sauver. Non, crever un œil! Mais c'est couvert par la CSST, tu sais. Ah! C'est cool. Ah. Un petit bundle de cash. Donc, cinquième position du côté anglophone, c'est Broken Bells avec Holding On For Life qui monte de la 19e place. Et ça monte de deux du côté francophone et c'est Vice étrange derrière. Ah ouais, tatata. Non, les palmarès, c'est fou, ce qui Ah! C'est bien là, ça se ressemble. De dépressant, rend stimulant. Dum, dum, bon, dum, dum, dum. Donnez-moi de quoi toffer la run. De dépressant, rend stimulant. Dum, dum, bon, dum, fun, fun. Que de choix, oh joie, cacher ce code. Le paiement à un maestro me mène en rond. Au fond, les rien ni personne. De l'étang, en jus de fange. Top, top, un temps qu'on conne. Votre roi se noie, les mains sur sa couronne. Ah, baby bones, the secret's safe in my hands. Tell me about the years and let me buy an hour. Maybe help me to understand. On dirait non, je sais pas, on dirait que c'est un petit genre de quelque chose de ABBA, mais dans le bon sens. Ah ouais? Dans le bon sens. Parce que d'habitude, ce serait négatif. Ben non, j'aime ça ABBA. Ça me rappelle mon enfance. Ah, quand t'étais ABBA. Ouais, ma mère écoutait ça beaucoup. Ouais. Broken Bells et Holding On For Life, position numéro 5. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Et du côté francophone, c'était sa sixième semaine. Celle-là encore, d'ailleurs. Oui. Vie étrange derrière. On va entendre David Lesbois et Pai Pai dans quelques instants. Le temps de vous dire que tout à l'heure, on va se rendre en direct via satellite à Sochi. Oh! Pour les Jeux paralympiques. C'est en ce moment, ça. Les Jeux paralympiques de Sochi. Puis c'est gros en ce moment. Tout le monde en parle, en fait. Ben oui. Et ils disent pas comme ça, mais c'est la même chose, je pense. En tout cas, c'est ce que le prince du Nigeria, Sochi, nous a dit. Ah, ce serait bon. Ouais, c'est bon. Hein? Ah. Donc, on va aller là tantôt. Mais avant ça, en quatrième place anglophone, Pai Pai et Pagan Day, la pièce-titre de leur album, qui s'appelle aussi Pagan Day, qui monte de 16 places. Et du côté francophone, eh bien, c'est lancé numéro 1. C'est David Lesbois avec la pièce Scaphandre. Au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Je t'aimerai toujours. Dans mon scaphandre, le temps n'existe plus. J'étais sous l'emprise de ces bras à de fer. Ce soir, le rage s'est abattu sur le grand. l'atmosphère. Tu fus illusoire dans ce bathyscaphe de maison. Je t'oublie lentement. Montant à la surface, plongeons par plongeons. Ta voix qui émanait de la radio, la foudre frappant. Tu fus illusoire dans ce bathyscaphe de maison. Je t'oublie sûrement. Montant à la surface, plongeons par plongeons. Je sombre dans mon lit.

knowingly. Don't nudge me, cause I'm close to the track. If I go down, I'll break my back. Don't judge me, cause I'm close to the tracks. C'est Colin Clark, stable en deuxième de Lederhosen, Lucille et Kristen Muir en anglophone. Et c'est aussi stable du côté francophone, c'était Je fais le zoo de Radio Radio. Oh, mais quel bon bloc! What a good bloc! Ouh, go away! C'est tellement bonne. Oh, je l'adore. Il nous reste seulement les premières positions, deux autres pièces qu'on adore, évidemment. Évidemment, on se mettra pas, on se protégera pas de ces chansons-là. On veut les avoir directement en face, on se mettra pas à l'abri de ces chansons-là. Ben non. Ben non, parce que quand même, peu importe que ce soit vent ou neige, un peu comme les facteurs. Vent, neige, marée haute, marée basse. Tu parles le facteur vent ou d'un facteur qui livre des lettres? Ça dépend. T'as vraiment le choix des deux. T'as le choix, disons, de l'embarras entre les deux. Ok, cool. Ah, peu importe le temps, le tempo, peu importe la note, peu importe le do, ré, mi, fa, si, la, si, do, peu importe, vraiment. Peu importe, c'est quoi le gars des bébés qui chantait, qui animait Facile à chanter? Ouais, Patrick lui, Bourgeois. Patrick Bourgeois, lui, il l'avait le tempo, lui. Oui. C'est ça, oui. Et oui. Ouais, c'est ça, c'est, disons, c'est à peu près ça. T'aurais-tu perdu le fil par hasard? On dirait que j'ai perdu le fil, je pense. Ça ressemble à ça. J'ai perdu la cible. Je dirais que j'ai perdu la cible. D'où ma blague s'en allait. Tu sais, la cible comme au tir à l'arc. You aim the arrow at the patente. Truc là. La target. Target! Oui, le magasin. Okay. C'est ça, oui. C'est ça. La target, la cible. Ouais, mettons que c'était pas mes meilleurs jeux de mots. Mais tu sais, j'ai épuisé mon talent de texte. Comment est-ce qu'on dit ça? Quelqu'un qui écrit des textes, on sait que c'est pas scripteur, on l'a appris aujourd'hui, scripteur ça marche pas. Écrivain. Oui. Ça marche, hein? Ça marche. C'était script et scripteur, il y a une différence. Oui, c'est ça. Et le verbe scripter n'existe pas. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on a appris en faisant nos recherches là-dessus, parce qu'on a des gens comme ça, journalistes, éthique journalistique, si on veut. Ouais. Toute la journée, jusqu'à ce que la journée soit terminée, donc Days Are Gone. Voilà, j'ai réussi à intégrer et insérer le nom de l'album. Bon, ok, merci. Fouf. C'était long, hein? C'est un peu long. Pour ceux qui n'auraient pas compris. On s'en va du côté anglophone. Le numéro 1, c'est The Warrior de AIM pour une deuxième semaine consécutive. Ouh! Tout d'abord, on s'en va entendre le numéro 1 du côté francophone. Ça monte de 10 et à l'abri du tempo de David Marin. On parle assez fou. 89 FM. Oui. Tu sais, j'arrête, hein? Ouais, merci. Je porte la chemise d'une entreprise. Qui prend le monde pour une valise. L'économie qui sodomise et dévalise le monde à journée longue. Je place du stock sur des tablettes, bien enligné devant l'étiquette. Je roule trop vite pour la planète qui est plus carré que ronde à journée longue. Et quand tombe la nuit, je reviens à l'abri du tempo. Son char,

être entre 15h et 18h. Restez à l'écoute pour Un livre ouvert, l'émission de littérature qui s'en vient dans quelques instants. On rejoue les vendredis entre 17 et 20. Après nous, c'est les Bonnets Rouges et Sky Punka. Et finalement, les dimanches entre midi et 15h. Après nous, à 16h, raconte-moi ta ville. Et puis, branchez le monde dont on vient juste de parler. Et voilà! Sif.ca pour la programmation complète, assemblagehockey.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Ta face est là-dessus, ma face est là-dessus. Nos faces. Plein de faces. En fait, il n'y a aucunement nos faces là-dessus. C'est même pas vrai. Il n'y a pas de vos faces. On n'est pas de même. On n'est pas une radio à face, ben, ça. Non. Non, fait que c'est ça. Hein? Fait que c'est ça. Voilà. On se quitte sur une pièce qu'on a sautée précédemment, c'est-à-dire la numéro 6 francophone. Et on s'en va entendre le Roi Soleil de Mordicus. Mais tout juste avant, on se quitte sur le mot de la fin. Gratiné. Alors je crois en...